Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 6 août, nous souhaitons une bonne fête au Octavien, ça vient du latin signifiant 8e, Octavien est un homme entier, courageux, énergique et viril qui se veut sévère, sous une certaine rudesse et des airs conquérants, il a une grande sensibilité qu'il tente à maîtriser ainsi qu'une certaine séduction qu'il n'entretient que discrètement, timide, inquiet au fond de lui-même, il doute de ses capacités, mais il compense parfaitement par une activité nettement au-dessus de la moyenne et une volonté à toute épreuve. Il évolue avec une aisance naturelle, s'adapte rapidement, peut montrer du savoir-faire, voire un certain opportunisme. Pourtant, il est plutôt strict, déteste la flatterie, le mensonge, les faux-semblants et surtout l'injustice. Capable de colère violente lorsqu'il fait face à une iniquité, il est alors redoutable. Matérialiste, il a le sens des affaires et est un homme de terrain. Les théories ne l'intéressent que lorsqu'elles sont appliquées. Impatient, il est très efficace, rapide d'exécution et a besoin d'exercice physique, sans quoi il serait assez vite agressif ou querelleur. Et c'est aussi la Sainte Transfiguration aujourd'hui. Dicton du jour, si le vent souffle le 6 août, le blé sera cher toute l'année. S'il ne souffle pas, il sera bon marché. Célébration internationale, aujourd'hui en Argentine, c'est la journée de l'enseignement agricole depuis 1959. En Bolivie, c'est la fête de l'indépendance qui commémore l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Et en Jamaïque, c'est la fête de l'indépendance qui commémore l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Dans les événements qui se sont déroulés un 6 août en 1825, indépendance de la Bolivie, 1962, indépendance de la Jamaïque, en 1965, c'était la sortie de l'album Help des Beatles et en 1991, Tim Berners-Lee annonçait la naissance du World Wide Web. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Marc Lavoine et le titre Elle a les yeux revolver. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Marc Lavoine sur RGM. Allez, il est un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 6 août 1951. Naissance de Catherine Hicks, actrice américaine, connue pour son rôle d'Annie Camden dans la série télé C'est à la maison. 1956, naissance de Stephanie Kramer, actrice américaine, connue pour son rôle de Didi McCall dans la série télé Rick Hunter. 1961, naissance de Carl Zero, animateur télé, réalisateur français. 1962, naissance de Marc Lavoine, chanteur, acteur français, vu dans Le cœur des hommes 1, 2 et 3 dans le rôle d'Alex, Les tribulations d'une caissière, La liste de mes envies, Love Addict, la série télé Crossing Lines, les saisons 1 et 2 dans le rôle de Louis Daniel ou encore la série Kepler dans le rôle de Samuel Kepler. Mais c'est également l'année de naissance de Michelle Yeoh, actrice malaisienne qui était James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais dans le rôle de Wei Lin, vu également dans Mémoire d'une geisha, Babylone AD, La momie, la tombe de l'empereur Dragon, et elle sera à l'affiche d'Avatar 2 dans le rôle du docteur Karina Mogg. 1965, naissance de Luc Alphand, ancien skieur français qui au championnat du monde compte une médaille de bronze, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 1997. C'est également l'année de naissance d'Olivier Mégaton, réalisateur français du Transporteur 3, de Columbiana ou encore de Taken 2 et 3. 1967, naissance de Julie Snyder, animatrice, productrice de télévision québécoise, vu dans quelques émissions télé françaises. 1970, naissance de Manoj Knight Jayamalan, réalisateur, scénariste, producteur indien, réalisateur et scénariste du film Sixième Sens, scénariste de Stuart Little, réalisateur, scénariste et producteur du film Le Village ou encore réalisateur d'After Earth. 1972, naissance de Jerry Halliwell, chanteuse britannique connue avec le groupe des Spice Girls, et on écoute tout de suite un extrait du titre Wannabe. Yo, tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. Pour les Spice Girls, allez, on continue. 1973, naissance de Stuart O'Grady, ancien cycliste australien ayant fait carrière de 1995 à 2013, qui était champion olympique de l'américaine en 2004, champion du monde de poursuite par équipe en 93 et 95, champion d'Australie sur route en 2003. Il a remporté Paris-Roubaix en 2007 et il avait remporté deux étapes sur le Tour de France. 1981, naissance de Lucie Descosses, ancienne judokate française ayant fait carrière de 2000 à 2013. Aux Jeux Olympiques, elle compte une médaille d'or, ainsi qu'une médaille d'argent. Au championnat du monde, 3 médailles d'or et 1 d'argent. Au championnat d'Europe, 4 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. C'est également l'année de naissance de Travis McCoy, chanteur américain du groupe Gym Class Heroes. 1983, naissance de Robin Van Persie, ancien footballeur néerlandais, ayant fait carrière de 2001 à 2019 en jouant à Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe et de nouveau Feyenoord. 1984, naissance de Sophia Issaidi, chanteuse actrice française, connue avec sa partie participation à la Star Academy 3, vue dans la comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, c'était en 2008, vue au cinéma dans Is No Good ou encore la série télé Aïcha dans le rôle d'Aïcha Bouamaza. 1985, naissance de Bafé Timbi Gomis, footballeur français professionnel depuis 2002, ayant joué à Saint-Étienne, Troyes, Lyon, Swansea City, Marseille, Galatasaray. Et depuis 2018, il joue à Al Hilal FC. Allez, tout de suite, petite pause avec Gym Class Heroes en featuring avec Ryan Tedder sur le titre The Fighter. In the morning and to be well, quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. But I do it for the kids, life through the towel in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Mick, baby, till the end of when you hear me strong from that big lady. Until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home, what we gon' do, y'all? Give them hell. For rock bottom, Loserville, nothing town. Textbook version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling, kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left jabs, for you to recognize you really ain't got it bad. Until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home, what we gonna do, y'all? Gym Class Heroes. Allez, on continue. Et en 1989, décédé Hubert Beuve-Méry, journaliste français, fondateur du quotidien Le Monde. En 2005, décédé Ibrahim Ferrer, chanteur cubain, membre du Buena Vista Social Club, ayant participé au titre De Camino a la Velada, dont on écoute tout de suite un extrait. También hoy compa. aprobada, compa, y yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda. Voilà pour l'extrait du Buena Vista Social Club. En 2009, décédé John Hughes, scénariste-réalisateur américain. Réalisateur et scénariste de 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club. Scénariste de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Beethoven, Miracle sur la 34e rue. Les Sons à Dalmatia. Maman, je m'occupe des méchants. Ou encore Coup de foudre à Manhattan. Et en 2018, on apprenait le décès de Joël Robuchon. Chef cuisinier français, auteur d'ouvrages culinaires de référence. Un des plus importants palmarès de l'histoire de l'art culinaire. Avec 32 étoiles au guide Michelin, cuisinier du siècle de Gaulle et Millau en 1990. Allez, tout de suite, on s'écoute Sofia et Saïdi avec le titre « Femme d'aujourd'hui ». Y a des descentes si lentes qu'on voit pas qu'elles nous mentent. Marche après marche, j'ai remonté la pente. J'ai pris les places vacantes. Marche après marche, on va jusqu'à l'impasse. Il faut trouver pas sa place. Marche après marche, où ça passe ou ça casse. Je veux pas qu'on m'efface. Jour après jour, j'ai rien laissé tomber, j'ai rien laissé passer jusqu'à l'amour. Je me suis tenue ok à la force des chaînes. Je suis une femme d'aujourd'hui, je suis d'ailleurs ici. Une femme qui se dévoile et qui suit ses anges. Je suis une femme, aujourd'hui je vis sans faire de compromis. Mon cœur est tout à moi, mon corps n'est pas sourd. Sofia et Saïdi avec le titre Femme d'aujourd'hui sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h50 et on va parler météo. La météo. Alors pour le moment on a du soleil avec tout de même un petit peu de nuages, mais malheureusement ça ne va pas durer puisque ça va se dégrader tout au long de la journée. Pour des orages ce soir, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 25 et 27 degrés cet après-midi. Mercredi, pluie et orages, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi, soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin et entre 24 et 25 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence tout de suite avec du basket et premier match de préparation pour le mondial pour l'équipe de France. Et première défaite, c'était hier soir face à la Turquie, 69 à 74. Prochain match pour les Bleus, ce sera mercredi contre la Tunisie. Un petit mot de biathlon avec le Blink Festival qui a eu lieu ce week-end. Et Martin Fourcade qui revient plutôt en forme, sans S c'est mieux, puisqu'il a fait deux deuxièmes places sur la Mastart et le concours de tir. À chaque fois derrière un frère Beu. Sur le concours de tir, il était juste derrière Tarier Beu. Et sur la Mastart, et bien donc Martin Fourcade termine deuxième derrière Johannes Beu. Et belle performance de nos Français sur la Mastart, puisque Émilien Jacquelin a terminé troisième, Simon Détieu quatrième, Fabien Claude sixième et Quentin Fillon-Maillet septième. Côté féminin, ça a été un peu plus compliqué pour nos Françaises. Sur le super sprint, ça a été la victoire de Marthe Hulsbourg Reuseland. Julia Simon s'est classée 8e. Sur le concours de tir, victoire de Dorothea Vireur. Julia Simon s'est arrêtée en demi-finale et sur la Mastart, victoire de Anna Heuberg, pas de française, en finale. Un mot de tennis avec Montréal et il n'y a plus de française puisque Mladenovic et Caroline Garcia ont été éliminées hier. Mladenovic s'est inclinée en 2-7 face à Brady, 6-1-6-2 et Caroline Garcia s'est inclinée en 2-7, 6-3-6-3 face à Ostapenko. Côté messieurs, Lucas Pouille s'est incliné face à Raonic en 2-7, 6-4, 6-4. Herbert s'est incliné en 2-7 face à Chapovalov, 6-3, 7-5. Joe Wilfried Tsonga s'est incliné en 2-7 face à Struff, 6-2, 6-2. Gaël Monfils, lui, s'est qualifié en 3-7 face à Polonski, 6-7, 6-3, 6-3. Richard Gasquet s'est imposé face à son compatriote Benoît Paire en 2-7, 7-6, 6-4. Et Adrian Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Kukushkin, 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Albot. Un mot de hockey sur glace avec la non-validation pour le club de Lyon en Ligue Magnus pour la saison prochaine. Reste à savoir maintenant dans quelle division le club va évoluer. Et dernière information, le cyclisme et le Tour de Pologne endeuillé après le décès du jeune coureur belge Björg Lambrecht, seulement 22 ans suite à une chute sur la troisième étape du Tour de Pologne. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Tube de l'été. Alors, c'est sorti en 93, ça a connu un succès en 95 et 96. C'est Los del Rio avec la Macarena, bien sûr. I am not trying to do this. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Seduce you. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena, always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. La Macarena, Los del Rio sur RGM, presque 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, nous sommes mardi, le prochain rendez-vous, ce sera à 13h30 avec la rediffusion de la Minute Bonheur de l'IA. À 17h, Kaizen consacré à Evelyne Adam, deuxième partie. 20h, La Parole est à vous avec Michel. 22h, J'ai mes jeux, vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.